de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse De la plante aux médicaments, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des cachets que l'on casse en deux, des gélules vertes et blanches qu'on avale avec un verre d'eau ou des pilules rouges qu'on a toujours sur soi. Et puis il y a la curiosité de savoir quelles substances les composent et la surprise d'y trouver du saule, des champignons ou du pavot. Mais quel est le processus qui va du carré des simples au pilulier ? Alors pour commencer, les personnages, un collectionneur, un historien de la médecine, des charlatans, un guérisseur et comme toujours une sorcière. Ensuite, le décor. Un cloître, des plantes toxiques, un musée de la pharmacopée, des fioles et des boiseries, des ifs, du mercure, des plantes parfaites et du millepertuis. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive au monastère. Juste deux petits mots pour vous expliquer un petit peu l'histoire du cloître. Ce cloître a donc été restauré en 1972 par Jean-Marie Pelt, qui, après avoir gagné les élections à la mairie de Metz, le maire s'était engagé à lui offrir un lieu pour qu'il puisse créer le premier centre d'écologie. Jacques Florentin, de la Société française d'ethnopharmacologie. Donc on n'a pas créé l'ethnopharmacologie, elle existait déjà. Elle est née dans les années 80, mais on a fortement contribué depuis 30 ans à la développer à tous les niveaux. D'abord au niveau des méthodes, puisque les premiers congrès qu'on a fait, c'était mettre au point les méthodes d'enquête, les méthodes d'évaluation, les méthodes de retour vers le terrain. Ensuite, j'ai monté un outil d'évaluation pharmacologique. En fait, j'ai créé le laboratoire de recherche de Jean-Marie Pelt en rentrant du Yémen. Et là, on a donc répondu à une question. J'ai une plante qui vient des guérisseurs. Il me dit qu'elle est anti-inflammatoire. La seule question que je me pose, oui ou non. Donc je fais un extrait comme le guérisseur. Extrait à queue, macération, décoction, infusion, etc. J'enlève le solvant, je l'administre sur des cultures cellulaires ou chez l'animal. Et j'ai une réponse dans les 3 mois. Donc voilà ce qu'on a démarré et qui s'est ensuite développé un peu partout dans le monde. Donc au niveau local et scientifique, on a bien développé ces méthodes. Au niveau européen, on a organisé des congrès régulièrement. Et puis, on a cette formation depuis 20 ans qui nous a amené déjà peut-être 700, 800 ou 900 personnes à Metz avec cette formation. Voilà. Donc maintenant, on va voir les jardins. Alors, pour moi, il y a 2 types de plantes. Vous avez d'abord les plantes toxiques. C'est celles qui ont donné les grands médicaments à partir du 19e siècle. Bon, la plante, toute l'histoire de la médecine, c'est la plante. Quand on dit aujourd'hui, c'est... une médecine complémentaire ou c'est des médecines X ou Y? Non, c'est la médecine depuis le début de son histoire. Puisque médecine grecque, indienne, chinoise, toutes ont utilisé les plantes. À partir du 18e, 19e, les chercheurs se sont dit, tiens, voilà une plante qui est efficace ou qui est toxique, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et ils ont sorti les premières grandes molécules. Ça a été par exemple la codéine ou la morphine dans le pavot opium qui a donné un antidouleur connu depuis la Mésopotamie, c'est-à-dire depuis 5000 ans, c'est mentionné dans les tablettes de Mésopotamie. Et on en a sorti à partir de cette plante toxique un grand médicament qui encore aujourd'hui est le premier antalgique. Bon, pareil pour toutes ces molécules, colchicine, les anticancéreux, plantes toxiques, grands médicaments, industrie pharmaceutique, prescription médicale, milieu hospitalier. Mais à côté de ça, on a toutes les plantes non toxiques. Toutes les médecines populaires utilisent des plantes qui ne sont pas toxiques. C'est celles qu'on va voir maintenant. Et là, on a à peu près les 60 à 80 plantes reconnues les plus utilisées en pharmacopée européenne. Et là, elles ne sont pas toxiques. Mais paradoxalement, il est très difficile de sortir une molécule isolée. On a une synergie entre les principes actifs et c'est l'ensemble de l'extrait complexe qui donne de bons résultats en pharmacologie. Alors quand on sort les molécules, on n'a plus grand-chose. Voilà. Donc on va démarrer avec ce jardin. Ce jardin, il rappelle un petit peu aussi l'histoire des plantes médicinales puisque tous les cloîtres avaient un jardin de plantes médicinales parce qu'ils avaient comme objectif aussi de pouvoir soigner les pauvres. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en l'an 800, Charlemagne avait édité un décret en disant que 80 plantes doivent être plantées dans les monastères pour pouvoir soigner les gens. Et il avait établi en l'an 800 une première liste de 80 plantes déjà. Donc, c'est vraiment une longue tradition. Alors, les plantes, on les a classées par indication thérapeutique. Donc on verra les plantes du foie, les plantes du stress, etc. Et on va commencer la visite maintenant tout de suite de ce jardin. Les pharmacopées traditionnelles. C'est tout pareil. mais elle n'ouvre pas toutes les mêmes portes. Voilà, donc on arrive au musée François Tilquin qui est vraiment de toute beauté et on va voir devant nous se déployer toute l'histoire de la pharmacopée humaine sous nos yeux. Toute l'histoire, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup de ce qui s'est passé au 19e siècle. On a vraiment donc une collection qui a commencé un tout petit peu avant, mais donc qui est très 19e, comme le mobilier, comme tout ce qui est... ici, avec même la mise en scène qui a été un peu rénovée, mais beaucoup de choses restent du 19e siècle. Sylvie Michel, donc on a effectivement des boiseries, des parquets partout, des petites vitrines remplies de fioles et d'onguents et de poudre de perlimpinpin de toutes sortes. C'est un endroit magnifique. Au départ, c'est vraiment une collection pédagogique, c'est-à-dire il faut, pour la formation donc des pharmaciens, il faut pouvoir montrer les échantillons. Et puis, donc, ce qui marque un peu le tournant pour nous, c'est Guy Bourg, qui était pharmacien, qui était en charge de la matière médicale au début donc du 19e siècle, et qui a, lui, un tempérament de collectionneur et puis une démarche dans la qualité. Donc il a une notion qu'il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont falsifiées. Donc il veut récupérer beaucoup d'échantillons de façon à pouvoir avoir une idée de ce qui est de bonne qualité, ce qui l'est moins. Et le gros avantage, donc c'est la collection qui est juste ici, cette collection Guy Bourg, on a à peu près 1600 échantillons dans cette collection. Et ce qui est très intéressant dans cette collection aussi, c'est que Monsieur Guy Bourg a également écrit des ouvrages dans lesquels il décrit bien entendu ces échantillons. Puis à partir du moment où on savait qu'il était très intéressé par ces substances naturelles, il y avait donc des échanges et des cadeaux qui lui étaient faits. Donc là, ce sont de jolies fioles bien alignées, bien étiquetées, avec l'écriture d'époque... soigneusement répertorié. Donc tout est noté collection Guy Bourg. En fait, ce travail énorme, quoi, de vraiment organiser une collection. Gilles Barou, dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, il y a une entrée consacrée au charlatanisme. Je dirais même qu'il y a non seulement une entrée consacrée au charlatanisme, mais il y a comme un fil qui traverse un certain nombre de l'article de médecine. On le retrouve dans l'article médecin et tout. Le charlatan, c'est une histoire de termes d'abord, parce qu'il y a une des étymologies ou une des origines, c'est le latin. Circulator, c'est celui qui circule. Donc c'est même pas d'ailleurs au départ péjoratif, parce que le médecin circule bien. Et puis, du coup, circulator est devenu une espèce d'injure, hein, d'insulte. Vous êtes un circulator, c'est ainsi que quand Guy Patin... découvre les travaux de Harvey et qui n'admet pas du tout les conséquences de Harvey sur la circulation du sang, il va traiter Harvey de circulator. Le jeu de mots, circulation, c'est... Le charlatan, c'est celui qui n'aurait qu'un savoir médical apparent. Et notamment, le charlatanisme, ça passe très souvent aussi par le fait de prescrire des remèdes qui seraient des remèdes totalement fantaisistes. Hein. Alors, il y a des pages de Rabelais qui avait lui-même une formation médicale où il montre ça. Et on va dire que au moins du 14e, la fin du Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, l'obsession du charlatan est permanente. Et le médecin, la formation médicale, la formation universitaire médicale dans les facultés de médecine, se constitue notamment contre la charlatan. C'est-à-dire qu'il faut quasiment signer un engagement comme quoi on ne s'alliera pas avec les charlatans, qu'on fera la chasse aux charlatans, qu'on démasquera les charlatans. Le problème, c'est justement où commence le charlatan, où finit le médecin. Ça pose un problème compliqué parce que ça pose le problème de la dimension empirique de la médecine, c'est-à-dire que le médecin qui essaye quelque chose est-il pour autant un charlatan ? Alors donc le charlatan, c'est d'abord fondamentalement celui qui fait croire, qui n'a pas réellement de savoir, qui déguise une absence de savoir par des remèdes miracles. Hein, et alors il y a des tas d'histoires de gens qui promettent par leurs remèdes miracles de soigner des maladies qui sont en fait généralement des maladies incurables. Dans l'histoire du médicament, les médicaments secrets, les remèdes secrets par exemple, ça, l'histoire des remèdes secrets, c'est absolument admirable. D'abord parce qu'il est vrai que le laboratoire du pharmacien est un espace clos, tout le monde n'a pas le droit d'intervenir là-dedans. On peut comprendre pourquoi, finalement, un laboratoire scientifique aujourd'hui est un espace clos aussi. Mais que, d'une certaine façon, là où il y a l'ambiguïté, c'est que nombre de pharmaciens ne veulent pas donner la posologie exacte des remèdes qu'ils confectionnent. Et certains médecins passent des pactes avec des pharmaciens pour pouvoir justement distribuer des remèdes qui vont faire augmenter leur autorité. Il s'avère qu'une ou deux fois, ces remèdes marchands, on va considérer que justement, ils peuvent avoir un rôle marchand, si je puis dire, et un rôle commercial important. Et il y a des histoires comme ça, par exemple contre la syphilis. Alors la syphilis, quand même le mal du siècle, à partir du XVIIe siècle hein, jusqu'au XIXe siècle, c'est vraiment la maladie effroyable, parce que c'est une maladie qui ravage de manière impitoyable sur des années les patients, parce qu'il n'y a pas de moyen de la guérir, parce qu'en plus elle est connotée évidemment de tout ce qui est le vice, hein, c'est la faute, c'est le péché, tout ça, etc. etc. Alors beaucoup de gens contractaient cette maladie, et donc certains médecins disaient, en lien avec des pharmaciens, qu'ils avaient confectionné des remèdes. Alors il y avait un remède qui s'appelait, alors je n'ai plus très bien la posologie en tête, le robe l'affecteur, qui était un remède qui aurait été miracle et confectionné dans le secret, guérissait les gens. Les gens venaient en foule, puis en fait, ça marchait pas du tout, et ainsi de suite. Et pourtant, il y avait une législation, c'est-à-dire que normalement, on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi, n'importe comment. En 1682, il y a un édit qui est donc promulgué sous le règne de Louis XIV, encadrant la fabrication des médicaments. Donc, elle est encadrée, la fabrication des médicaments. Mais cet encadrement, qui a une valeur juridique, dans les faits, n'a jamais empêché beaucoup de gens de faire ce qu'ils voulaient faire. Donc il n'y avait pas d'implication immédiate de la loi et peu de gens se faisaient prendre finalement. Il fallait qu'il y ait des congrégations de médecins qui s'unissent entre eux pour pouvoir dénoncer tel ou tel charlatan pour qu'il soit neutralisé. Mais pourquoi il y avait autant de charlatans? C'est bien sûr lié à une certaine, disons, impuissance de la médecine scientifique à venir à bout de maladies qui étaient des maladies endémiques ou qui avaient un caractère épidémique prononcé. Si on prend l'exemple de la vérole, donc de la syphilis, cette maladie effroyable n'a pas de remède. Le seul remède qu'on trouve à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire en gros dans le prolongement des travaux de Paracelse, hein, du médecin qui s'est appelé Paracelse, médecin chimiste, hein, qui a introduit véritablement la chimie dans la confection des médicaments, on a donc jugé majoritairement que le mercure pouvait combattre la syphilis. Et donc, on faisait un curgité sous différentes formes, soit sous la forme de la boisson, soit sous la forme de la fumigation, soit sous la forme de l'emplâtre, enfin, différents moyens. Et on jugeait que le mercure était efficace parce que, effectivement, dans la syphilis, le mercure éliminait les premiers symptômes. Le problème, c'est qu'il y avait évidemment des retours de la maladie quelques temps plus tard et que ces mêmes remèdes ne suffisaient pas. Donc, du coup, on confondait ce qui était assez fréquent, la symptomatologie avec l'essence même de la maladie. Et si les symptômes reculaient, c'est donc que le remède avait une certaine efficacité. Donc beaucoup de médecins utilisaient le mercure, hein, Astruc le préconisait par exemple, beaucoup d'autorités préconisaient le mercure. Le mercure, c'était effroyable parce qu'il déchaussait les dents, enfin il faisait perdre les cheveux, enfin c'était quelque chose de monstrueux. Mais néanmoins, il a été utilisé jusqu'à la pénicilline, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle. Et encore même au début de la pénicilline, certains continuaient à utiliser encore le mercure. Bon, si vous voulez, il n'y a pas une raison suffisante en elle-même qui peut expliquer pourquoi des remèdes que nous jugeons aujourd'hui totalement aberrants aient pu être utilisés aussi longtemps. Il y a un faisceau d'explications qu'il faut prendre en compte pour comprendre pourquoi ça se passe de cette manière-là. On ne peut pas se contenter, si vous voulez, de dire « Bon, ben, à l'époque, ils étaient ignorants, aujourd'hui, on est savants, donc on ne fait plus. » Enfin, bon, ça, c'est le schéma classique. Tout le monde connaît l'IF. Bon, c'est une... cet IF ici, ce grand IF là. Donc, c'est une plante qui est très toxique. Les Gaulois l'utilisaient comme poison de flèche. Et l'utilisaient aussi pour faire des arcs, parce que le bois est assez adapté à la fabrication des arcs. Tellement toxique que des gens à Nancy, à la pépinière de Nancy, où il y a deux ours qui sont dans le jardin, en hiver, ils se sont dit, les pauvres bêtes, elles n'ont rien à manger, leur ont cueilli des branches d'IF, leur ont jeté. Un des deux ours en est mort. Hein. Très toxique. Tout est toxique, sauf la petite harie rouge qui entoure la graine. Celle-là, on peut la manger, mais le bois, les feuilles, la graine, tout est toxique. Autre histoire aussi, c'est qu'à l'époque, quand on n'avait pas de voiture et qu'on avait des tractions avec les chevaux, et qu'on allait au cimetière emmener le corbillard, que bêtement on laissait les chevaux à côté. Alors je sais pas pourquoi on a planté des ifs autour des cimetières souvent, mais qu'on laissait le cheval trop près de l'if et que si l'idiot là il bouffait les branches, il retrouvait le cheval mort à la fin de l'enterrement. Alors l'histoire de l'if commence en Amérique. C'est le National Cancer Institute dans les années 60. Ils avaient mis un programme en disant un petit insecte. Ils avaient dit il faut à tout prix qu'on trouve de quoi résoudre les problèmes du cancer. Et ils avaient trouvé dans l'écorce d'if du Pacifique des principes anticancéreux à base de taxol. Le problème, c'est que l'industrie ne pouvait pas le développer parce qu'il fallait pratiquement abattre un if de 50 ans pour faire un traitement. Donc trop cher, recherche abandonnée. 20 ans plus tard, en France, Potier, qui était prof à la fac de pharmacie, un jour que les jardiniers taillaient les ifs dans le jardin de la fac, il leur a dit, écoutez, allez voir me chercher toutes les parties, là, les feuilles, les fruits, les graines, les écorces, on va faire des essais. Ils ont fait des essais sur l'if européen et ils ont trouvé dans la feuille un précurseur du taxol. Ils ont modifié par hémisynthèse cette molécule et en se trompant, parce qu'ils voulaient retrouver le taxol, ils ont trouvé une molécule encore supérieure et ça a donné de nouveau des anticancéreux. Donc vous voyez, plante très toxique, on en sort une molécule, on l'améliore et on sort des anticancéreux. Alors, une autre petite histoire aussi. Un jour à la pharmacie, il y a quelqu'un qui vient me voir, comme il sait que je connais les plantes, il me dit, écoutez, il y a mon chien qui a eu un truc incroyable, il a mangé un peu de terre, etc. Et puis il a commencé à baver, à convulser, etc. Puis au bout, il a été chez le vétérinaire, rien eu à faire. Au bout de 6 heures, il est mort dans des convulsions atroces. Et il a dit, il a mangé les trucs que j'ai mis dans le jardin pour un espèce d'engrais comme ça. Je dis, ramenez-moi le sac, on va regarder. Et le sac, c'était des tourteaux de ricin. Et je ne savais même pas que c'était vendu sans précaution particulière sur les sacs. C'était vendu, en fait, pour amender les sols. Donc, quand on mélange ça dans la terre, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il y a le chien qui mange... Voilà. On voit un petit lézard séché, on voit des morceaux de... On voit des geckos, oui, on voit des scolopendres. Hein, donc, le scolopendre est toujours extrêmement présent dans les remèdes, des scolopendres, des hippocampes. Tout ça qui sont toujours très utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Un os de tigre. Une os de tigre. Les Je pense sèches. Que c'est plus emblématique. Que... Oui. Des crabes fossiles de aussi. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quelle est l'utilité de chacune de ces... Ni si elle est réelle, d'ailleurs. Non, comme dans le cas de l'os de tigre ou des cornes, donc, qui sont des symboles de virilité ou de force plutôt que des remèdes. Ah voilà, donc là on a tout un arsenal de la cocaïne, des pipes à kiff, évidemment, qui ont leur petit succès, et puis des affiches aussi assez évocatrices sur les effets de... Donc l'affiche... qui illustre le vin Mariani. Monsieur Mariani était donc un pharmacien corse. Ce vin Mariani, donc, c'est un vin tonique, hein, donc qui va renfermer des feuilles de coca dont le principe actif est la cocaïne, de l'extrait de noix de cola dont le principe actif est de la caféine. Tout ça donne un mélange qui est un bon remontant. Donc, c'est une boisson qu'on peut prendre en apéritif et qui permet donc de retrouver un peu de forme. Il y a une dose, hein, donc ce qui rapproche quand même encore d'un remède, et qui est inscrite, et en particulier, la dose est d'un verre à Bordeaux, avant ou après les principaux repas, et pour les enfants, donc un verre à Madère est suffisant. Ah oui. Donc on voit que les choses ont quand même il y a une certaine maîtrise. Ah oui. Mais voilà. On était raisonnable à l'époque. Alors là, il y a une étagère qui est entièrement consacrée au cannabis, au chanvre. Et ce qui est très amusant, c'est que vous avez mis une vieille semelle truquée pour le transport clandestin. Pour le transport, oui. Donc ce qui maintenant... Avec les chiens, ce sera un peu plus difficile. Et ensuite, toutes les sortes de pipes utilisées dans diverses régions du monde pour la consommation ? Oui, vous avez... donc, c'est un petit peu le principe. C'est qu'on peut avoir des objets qui servent au transport ou qui servent donc à la consommation. Ici, effectivement, vous avez donc une collection de pipes à kiff qui est présentée ici. Et les appellations du monde entier, de l'Inde, de l'Arabie, voilà. Maghreb, Afrique occidentale, Afrique du Sud, Turquie, Mexique, Brésil. et les différentes formes, c'est-à-dire ici donc un extrait gras comme la forme résine directement, ou qui est le hashish, ou bien de ces extraits gras. Et on voit en fait, c'est une ici exposition vice-royale égyptienne. Alors là, elle est un petit peu chétive, mais si on se promène un petit peu autour, on la verra fleurie de manière plus importante, c'est le millepertuis. Alors le millepertuis, c'est une plante extrêmement intéressante parce qu'elle a des propriétés antidépressives largement démontrées. Alors c'est une plante mythique depuis le Moyen-Âge. Elle était surtout réputée protéger des mauvais esprits pendant tout le Moyen-Âge. Et on avait l'habitude, comme c'est une fleur dont les premières fleurs apparaissent au solstice d'été, on avait l'habitude d'accrocher un bouquet aux portes des granges pour protéger en fait des maladies et des mauvais esprits. Ce millepertuis a ensuite été utilisé en usage externe. On faisait de l'huile de millepertuis, c'est-à-dire qu'on fait macérer les parties aériennes dans une huile d'olive. Cette huile d'olive devient rouge et cette huile elle est cicatrisante. Et ça c'est connu depuis 4 ou 5 siècles. Et pourquoi on l'appelle millepertuis? Bon là on ne le verra pas, il faudrait regarder sur une binoculaire, parce que dans cette petite feuille, il y a 1000 petits trous. Millepertuis veut dire 1000 petits trous. Mais ce ne sont pas des trous, ce sont en fait des poches qui vont renfermer l'huile essentielle. Parce que vous savez que les plantes qui sécrètent des huiles essentielles, ce n'est pas pour sentir bon pour les insectes, c'est pour se défendre. Propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, antivirales. Et ces huiles essentielles sont des fois même toxiques pour la plante, de telle sorte qu'elles les enferment dans des poches pour pas qu'elles dégradent les autres tissus de la plante. Donc cette huile a des propriétés cicatrisantes, largement démontrées, avec une restriction, elle peut être photosensible, c'est-à-dire qu'on évite de s'exposer au soleil lorsqu'on a fait un traitement de ce millepertuis. Ça c'est l'usage externe. Le plus important maintenant, c'est l'usage interne, c'est-à-dire l'activité antidépressive, largement démontrée chez le rat, largement démontrée en clinique, donc elle est parfaite. Il y a un petit problème, il y a des interactions. C'est une plante qui va induire les cytochromes au niveau du foie, donc des structures qui modifient la dégradation des médicaments ou des aliments ou de composés du sang, ce qui veut dire qu'elle interagit avec les médicaments. Et donc c'est contre-indiqué avec la pilule. Et nous avons des enfants du millepertuis, c'est-à-dire des jeunes filles qui ont fait l'automédication avec millepertuis, sans être prévenu qu'on vient enceinte parce que la pilule, surtout mini-dosée, est dégradée trop vite et donc n'a plus d'effet anticonceptionnel. Et donc c'est une première conséquence. Bon, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Et c'est contre-indiqué avec des antirétroviraux, parce que là aussi on dégrade les médicaments antiviraux trop rapidement. Donc ceux qui ont le sida, on ne prend pas de millepertuis en même temps. Et aussi pour les greffés, parce que ça joue aussi sur les immunosuppresseurs. Voilà. Mais autrement, c'est une plante parfaite. Donc celle-là est vraiment dans le giron pharmaceutique. Parce que c'est une plante, il faut que la personne qui dispense puisse expliquer l'interaction et contre-indiquer. C'est Paracels qui disait que tout est poison et tout est une question de dose. Alors sur les poisons de flèche, c'est un petit peu particulier, on n'est pas si loin du remède, puisque le principe actif que l'on va trouver dans les poisons de flèche africains, on peut peut-être s'approcher justement. Ah oui. Alors là, ces flèches sont magnifiques, il y a toute une collection avec des harpons très différents, des pointes sculptées, c'est très très beau. Vous avez ici donc les arcs qui permettaient, c'est des flèches assez lourdes, assez importantes. Alors vous avez ici donc des strophanthus. Et c'est une liane donc d'origine africaine. Et à l'intérieur, on trouve donc ces petites graines à l'intérieur de ces fruits. Et des petites graines qui sont très jolies parce qu'elles ont des aigrettes. Donc elles sont très ailées pour pouvoir être disséminées par le vent. C'est effiloché, on dirait un petit peu de la soie ou un tissu précieux. C'est très joli. Ou du duvet un petit peu. Donc pour faire un bon poison de flèche, il faut quelque chose qui soit extrêmement puissant. De façon à ce que l'animal ne parcourt pas de trop grande distance après l'injection, mais après il faut pouvoir consommer. Et finalement, on s'aperçoit que plusieurs populations ont trouvé des solutions. Donc en Afrique, ce sont ces graines de strophanthus qui sont utilisées. Donc on n'aurait pas pu faire de poison de flèche avec des feuilles de digital, par exemple, puisque elles ont à peu près le même type d'activité de toxicité. mais avec une grande différence qui est que donc il y a une résorption par voie orale, donc la toxicité serait conservée. Oui, la viande n'aurait pas été comestible. Et non. Oui, donc il y a aussi toute une série de petites calebasses ou de petits morceaux de bambou qui servent de récipients, j'imagine, pour transporter ce poison. Tout à fait. Donc là, on a un petit peu changé de continent. On se retrouve, on n'est plus en Afrique, mais on est en Amérique du Sud. Donc, dans les différentes zones géographiques, on utilise les plantes qu'on a à disposition et on trouve donc le moyen de résoudre les mêmes problèmes. Donc, c'est ce qui se passe avec ces poisons de flèche qui sont donc d'Amérique du Sud, que sont les curares. Alors, on voit aussi, on a parlé tout à l'heure, je vais revenir sur les curares, mais on a parlé des grosses flèches et des arcs. Et on voit ici des petites flèches qui peuvent être lancées avec des sarbacanes. Et là, vous avez une très grande sarbacane qui permet de souffler, il faut un bon souffle, hein, et de lancer ces flèches. Alors, revenons aux curares. Donc, ces curares, comme vous l'avez signalé, il y a différents contenants. Donc, il y a des curares en tube, des curares en pot et des curares en calebasse. Donc, les Espagnols qui ont débarqué en Amérique du Sud ont fait les frais de quelques flèches aux curares. Donc, ils ont été très, très surpris de quelque chose d'aussi rudimentaire que ces petites flèches qui étaient capables de provoquer la mort de manière assez rapide. Ces recettes restent très secrètes. Alors, on n'a pas du tout le même mécanisme d'action qu'avec l'ouabaïne, qu'avec les hétérosides cardiotoniques. Mais ce que l'on a en commun, c'est d'avoir une activité par injection, d'être puissant aussi, et pas d'activité donc par voie orale. Donc, c'est ce qui permet de rapprocher ces deux types de molécules hein, qui n'ont aucun chimiquement, qui n'ont pas de rapport. Alors, le fonctionnement ici, donc, c'est un blocage au niveau de la plaque motrice et qui va donc avoir comme conséquence un relâchement musculaire important. Donc, ce relâchement musculaire est très intéressant, actuellement est utilisé donc en anesthésie, hein, donc en complément pour éviter d'avoir des anesthésies trop profondes. On peut administrer un peu de curare qui va donner ce relâchement musculaire. Le seul problème que l'on observe, donc ça ne touche pas le cœur, mais c'est que le sternum peut arrêter ses mouvements. Donc, le patient qui est traité pourrait oublier, entre guillemets, de respirer, ce qui fait qu'on est obligé de faire un apport d'oxygène pour éviter ce phénomène. Oui, ça peut être embêtant. Oui. Hein, c'est l'endroit secret du jardin. Voilà. Donc on l'a caché un petit peu. Voilà. Je crois que dès demain, la prochaine visite, les sommités fleuries seront parties. D'ailleurs, ils sont très bons. Hein. Alors, ce chanvre indien, l'histoire est assez intéressante parce que c'est une plante en fait, dont la chimie va changer selon son environnement. Alors évidemment, on a des tas de variétés qui peuvent être très riches en THC, tétrahydrocannabinol, qui est le principe psychoactif. Bon, il y a maintenant 36 variétés. Les qualités de cannabis, c'est comme les vins de Bordeaux, hein, il y a des cépages et tout. Bon. Mais de manière générale, Cannabis sativa, c'est une espèce qui, en zone tempérée, donne des fibres textiles. On en fait des isolants, des sacs, etc., des tissus. Et dans les zones chaudes, bien ensoleillées, ça donne de la résine psychoactive. Napoléon en a fait les frais, puisque quand il est parti dans sa campagne d'Égypte en 1800, je sais plus combien, un ou deux, il avait emmené des tonneaux entiers de graines de chenevie pour planter en Égypte et entretenir les cordages. Manque de bol, quand ils ont pris les fibres de ce cannabis-là, les fibres étaient cassantes, très mauvaises fibres, et les cordes cassées, quoi. Donc c'était catastrophique pour la marine. Par contre, les marins qui ont trouvé un autre usage. Donc, plante très intéressante de ce point de vue-là. Et maintenant, elle a un intérêt aussi en thérapeutique, puisque on va avoir du cannabis à la fois en fin de vie, à la fois pour des douleurs, et on a un médicament qui devrait sortir, qui est le Sativex. Il demande trop cher. Donc l'administration. Comment ? J'ai vu des boîtes. Oui, mais t'as peut-être eu des boîtes peut-être par d'autres pays, par la Belgique ou autre, mais en France, il n'est encore pas accepté au remboursement parce qu'il demande 400 euros ou 500 euros. Et c'était, je crois, pour les douleurs. de la sclérose en plaques. Voilà, pour la douleur de la sclérose en plaques, donc ça serait prévu comme médicament. Aussi peut-être dans les cancers avec des vomissements importants, etc. Donc une plante qui a des potentialités thérapeutiques. Rembourser le cannabis. Geneviève Bourdi, vous avez travaillé avec l'ethnie des Yanesha qui se trouvent au Pérou et qui ont leurs pratiques pharmacologiques qui sont très liées en fait à leur mythologie. Chez les Yanesha, en fait, ce qui est important, du moins dans la médecine, c'est tout ce qui a trait aux phénomènes liés à l'esprit. Et donc, en tant que population chamanique, on considère que tous les êtres, donc les humains, comme les éléments du monde naturel, les montagnes, les rivières, les étoiles, sont des êtres aussi doués, qui partagent le même esprit que les êtres humains. Donc les plantes font partie de ces catégories, donc d'objets naturels, qui sont doués d'un esprit. Et le but, quand on fait des bains chez les Yanesha, ou des fumigations, ou bien plus particulièrement des vaporisations, parce qu'en fait c'est le mode d'administration qui est le plus utilisé, c'est-à-dire qu'on va prendre une marmite, on va mettre une marmite d'eau, que l'on remplit d'eau, on met des cailloux qui ont été portés au rouge, on met ces cailloux dans l'eau pour dégager une vapeur, et on met une plante. Et donc la plante va se mêler, les effluves de la plante vont aussi se mêler aux effluves de la vapeur. Et donc les Yanesha disent que ce faisant, on libère l'esprit de la plante, et la personne doit respirer, en fait, elle est exposée à cette vapeur d'eau chargée donc de cet esprit de plante. Et c'est par ce procédé, en fait, que l'esprit de la plante peut se mélanger à l'esprit de la personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Yanesha disent que, en fait, on va s'approprier l'esprit de la plante en le respirant. Et que donc des fosses nasales, en fait, cet esprit va aller jusqu'aux poumons et qu'il y a un contact étroit entre les poumons et la peau. Et donc le fait de transpirer, en fait, donc quand on fait cette vaporisation, on est recouvert d'une couverture ou bien d'une tunique traditionnelle. Le fait de transpirer veut dire que l'esprit s'est imbibé dans tout le corps et est en train de transsuder à travers de la peau. Et donc il y a eu un mélange intime de l'esprit de la personne donc, qui est malade avec l'esprit de la plante. Et c'est comme ça que les plantes guérissent et soignent chez les Yanesha. Ces méthodes de vaporisation ou ces bains de vapeur, quelque forme que ça puisse prendre, c'est vraiment très très répandu au niveau mondial également. On va aussi beaucoup retrouver des applications par exemple, de décoction sur la peau directement. Bon, alors là, on sait tout de même qu'il y a une absorption hein, au niveau de la peau qui n'est pas négligeable. Donc là aussi, il y a un effet thérapeutique certain. Alors, une autre petite plante, déplacez-vous peut-être par là. Là, si vous prenez une petite feuille, vous l'écrasez, vous allez tout de suite reconnaître la mélisse à odeur de citron. Voilà, alors cette petite mélisse, c'est celle qui est juste là. Bon, c'est une plante très commune de chez nous. Elle est extrêmement intéressante aussi parce qu'elle a deux propriétés. La première propriété connue depuis tout le monde, depuis des décennies, voire des siècles, connue déjà de la médecine grecque, de la médecine arabo-persane, pour ses propriétés surtout antispasmodiques et digestives. On la connaît pour ça, c'est son huile essentielle qui agit principalement. Mais en relisant les traités anciens, on pouvait traiter le chagrin ou la mélancolie. Excusez-moi, vous, en tant que guérisseur, là, c'est juste une plante que vous conseillez? Non, après on associe deux plantes, trois plantes, jamais plus de trois. Jamais plus non. De trois. En général deux. D'accord. Ou une ou deux plantes et une huile essentielle. Voilà. Quand on met trop de plantes, c'est précisé dans les bouquins, mais en général, quand c'est des parties aériennes molles, type feuilles, fleurs, on va plutôt faire des infusions ou des macérations quand les principes actifs sont détruits par la chaleur, mais généralement c'est infusion. Et si on est des parties dures, du bois, des racines, à ce moment-là, on fera une décoction, 10 minutes. C'est-à-dire qu'on laisse bouillir la plante dans l'eau pendant 10 minutes. Alors, les antiseptiques urinaires, ça sera par exemple la bruyère et la calune que vous voyez là, en fleurs violettes, qui sont des plantes, des landes et puis des zones de terrain acide, tout à fait caractéristiques en Bretagne, dans les Vosges, etc. Donc celle-ci, bonne propriété diurétique et antiseptique urinaire, ainsi que cette petite piloselle. Alors, la piloselle, prenez voir une feuille de piloselle. Prenez voir une feuille et regardez cette piloselle. Quand vous la voyez, vous remarquez quoi? Vous voyez les petits poils? Vous faites passer une feuille. Eh bien, on l'appelle aussi oreille de souris, parce que les oreilles de souris ont la même forme de poils que cette piloselle. Donc ça, c'est une petite plante banale, pareil, antiseptique urinaire et diurétique. Là, il y a le fenouil, très forte odeur aromatique aussi, c'est avec ça qu'on fait le pastis. Mais il y a les parties souterraines, la racine de fenouil. Cette racine de fenouil faisait partie d'un sirop grec, donc de Dioscoride, 1er siècle après Jésus-Christ, qu'on donnait dans la diurèse. Et les Grecs faisaient un œnolé, c'est-à-dire ils faisaient macérer la racine dans du vin blanc. Puis un labo qui nous a dit, on aimerait vérifier, on voudrait mettre un sirop en pharmacie. Donc on a vérifié chez le rat, on a fait macérer la racine de fenouil dans du vin blanc, et effectivement, bonne activité diurétique. Comparable à un produit de référence moléculaire, l'hydrochlorothiazide. Bon, on s'est dit, on va vérifier avec de l'eau. De l'eau, il ne se passe rien. Avec de l'alcool pur, il ne se passe rien. Et avec un mélange eau-alcool, on retrouve l'efficacité. Donc c'est génial, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, les Grecs savaient qu'il y a un principe actif dans le fenouil, encore aujourd'hui, on ne sait pas lequel, mais qui est soluble dans un mélange eau-alcool. Et il n'y a que ce mélange-là qui marche. Donc après, on débarrasse de l'eau-alcool et il nous reste un extrait concentré. Alors ici, on a une plante intéressante, c'est le sureau. Alors c'est rare d'avoir des arbres aussi imposants. C'est les fleurs qui sont diurétiques, ça on l'a démontré. On utilise aussi les fleurs ici en Lorraine pour faire, on fait des espèces de crêpes et on trempe les fleurs dedans et ça donne des crêpes très parfumées. Et maintenant, on utilise beaucoup aussi la baie. Ça donne des... Je crois qu'il n'y en a pas là-dessus. Ça donne des fruits noirs en grappe. Il y en a un peu plein. Voilà, ben il reste quelques baies de sureau. Donc ça peut être pris aussi en confiture, mais on a trouvé dedans, quand on fait des extraits hydroalcooliques concentrés, des bonnes propriétés pour les pathologies hivernales. Le sureau, c'est presque le fervex de la phyto. Il n'est pas fébrifuge, mais anti-inflammatoire pour tout ce qui est bronchite, surtout immunostimulant, antibactérien, antiviral. Donc les baies en confiture, en quoi d'autre? Alors on les prend en confiture, hein, on fait des confitures traditionnelles, mais en pharmacie, ce sont des extraits hydroalcooliques titrés en principe actif. D'accord, parce que c'était diabétique et enrhumé. Oui, c'est, ah, c'est pas la bonne solution. Rokia Sanogo, comment est consommé aujourd'hui le médicament au Mali? Moi, je suis ancien chercheur de pharmacognosie et je mène de la recherche au niveau d'un centre de recherche sur les médicaments à base de plantes, le département de médecine traditionnelle. À ce niveau, aujourd'hui, nous savons que le premier recours est le médicament à base de plantes. Et donc, de ce point de vue, au Mali, aujourd'hui, on a un centre qui mène les études sur les plantes issues de la pharmacopée traditionnelle. Et là, nous menons des activités de recherche sur la sécurité d'emploi de ces produits, c'est-à-dire que nous devons évaluer pour montrer que les extraits de ces plantes, les tisanes, ne sont pas toxiques, et on évalue leur efficacité, c'est-à-dire que si nous devons donner des extraits de plantes, des tisanes à un malade, il doit avoir un bénéfice, ce qui va nous permettre de donner à la population des médicaments à base de plantes sûrs, efficaces et de qualité que nous appelons médicaments traditionnels améliorés. Et aujourd'hui, on a 7 de ces médicaments traditionnels améliorés qui figurent sur la liste des médicaments essentiels. Rokia Sanogo, est-ce que vous observez un petit peu comme en Occident une tendance des patients à mélanger un petit peu les deux médecines? Oui, il y a un grand mélange des deux médecines. Pour le cas du diabète, c'est des médecins traitants de diabétologie qui nous ont sollicités pour analyser les effets bénéfiques des plantes parce qu'ils ont constaté que souvent les patients abandonnent les traitements classiques pour prendre le traitement, la base de plantes. Ces plantes antidiabétiques mélangées à d'autres antidiabétiques, au lieu de faire du bien, peut amener un patient en coma hypoglycémique. Donc notre intérêt aujourd'hui, c'est un intérêt de santé publique, c'est arriver à mettre en place un dialogue entre le médecin et son malade, qui doit savoir qu'il a affaire à un malade qui va prendre son traitement, mais il va mélanger aussi à autre chose. En ignorant les traitements traditionnels, en ignorant les plantes efficaces, dans le cas du diabète, on peut perdre un patient diabétique. Donc, le choix doit être aussi en fonction de l'efficacité d'un traitement, de sa disponibilité, de son accessibilité. Si un enfant qui a le paludisme, il se trouve dans un village et qu'on n'a pas la possibilité de lui faire une injection de Kinemax, j'ai dit il ne faut pas le laisser mourir, il faut faire une tisane à base de plantes antipaludiques reconnues pour lui donner. Et si on doit aller vers un centre de santé, il faut aller vers le centre de santé en lui donnant cette tisane-là. Le temps d'arriver au niveau de centre de santé où on a la forme qui peut être injectée dans le sang. Donc nous sommes, dans notre approche, ne sommes pas des intégristes d'une méthode. Nous disons, à chaque fois qu'il y a un problème de santé qui se présente, quelle est la méthode la plus efficace, la plus accessible que nous avons pour sauver le patient. Parce que notre intérêt, c'est sauver le malade. Rokia Sanogo, est-ce que vous avez une plante préférée ? Oh, plante préférée. S'il y a une plante en Afrique qu'on appelle Ngunje, on dit que c'est la plus vieille des plantes. C'est une plante qui est conseillée par les vieilles praticiens de la médecine traditionnelle. Donc, ils disent, quand vous êtes préoccupé, il faut s'adresser à cette plante et cette plante, elle va vous répondre. Et moi, jusque-là, toutes les recherches que nous avons eues quand même à entreprendre au Mali sur cette plante, et ça a répondu. Vous pouvez juste la décrire, à quoi elle ressemble, où est-ce qu'on la trouve ? Bon, c'est une plante très répandue en Afrique de l'Ouest. On appelle le Guira sénégalensis parce que les premiers explorateurs qui l'ont identifié, c'était au Sénégal. Et ça s'appelle Nkunje, ça c'est le nom Bambara. Nkunje, ça peut dire la plante avec la tête blanche parce que quand il y a les fruits, hein, c'est tout blanc. Nkunje, c'est les cheveux blancs, c'est le symbole aussi de la vieillesse, parce que quand on vieillit, on a les cheveux blancs. Donc, c'est pour dire que les traditions bien vieilles peuvent toujours continuer à donner les ressources pour l'avenir. Et les dernières recherches sur cette plante ont permis d'isoler des principes actifs à propriété anticancéreuse. En phytothérapie, si vous voulez, on peut avoir par exemple du houblon en cône qu'on peut faire en infusion. On peut avoir des gélules d'extrait hydroalcoolique de houblon, par exemple. Et là, on aura une concentration d'un facteur 8 à 10. C'est-à-dire, si on a 1 demi-gramme dans une gélule, on aura à peu près l'équivalent de 5 grammes de plantes. Vous voyez, on concentre 10 fois. Mais quand on est dans les huiles essentielles, là, la concentration va de 100 à 5000. Donc, c'est énorme. Il faut parfois une tonne de plantes pour faire un litre d'huile essentielle. Donc là, on n'est plus du tout dans la phytothérapie, on est dans une médecine puissante, avec des marges de sécurité faibles, et l'administration, c'est par goutte et pas par cuillère à café. Sachez que si on donne à un gamin une cuillère à café d'un flacon d'huile essentielle, il a des chances de mourir. C'est arrivé au Canada, parce que là, c'est vendu partout, il n'y a pas de précaution. Donc, il faut se méfier, hein. C'est à la goutte. Alors, voilà, vous avancez un petit peu vers ici. Donc ici, on a une petite plante, je pense que beaucoup connaissent, la bourrache. Plante qui est sudorifique, donc elle fait transpirer. D'ailleurs, en arabe, aboulash, c'est le père de la sueur, donc c'est une plante transpirante. C'est une plante qu'on utilisait autrefois en tisane, etc., qu'on déconseille maintenant, parce qu'il y a dedans des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui sont hépatotoxiques. Donc on évite. Bon, bien évidemment, on a des fois des petites fleurs qui sont mises sur les salades pour donner un petit côté agréable à la salade. Ça pose aucun problème, mais il ne faudrait pas se faire une grosse infusion tous les jours de cette bourrache. Donc ce qu'on va utiliser principalement, c'est la graine, à partir de laquelle on va faire une huile, l'huile de bourrache. Et les huiles de bourrache se prennent par voie orale. On peut mettre aussi une application locale, mais par voie orale, elles sont très intéressantes dans tous les problèmes de qualité de peau, de vieillissement de peau. Même maintenant, je les conseille souvent dans les eczémas, il y a dedans des acides gras qui aident au renouvellement de la peau et qui interviennent au niveau derme, épiderme. Alors, ici, on est dans les plantes, de la douleur. Alors, je vais aller de l'autre côté. Alors ici, vous avez un saule. Et en fait, c'est surtout à partir du saule et de la reine des prés qu'on a découvert des molécules, l'acide salicylique, le salicylate de méthyle, qui sont des substances contre la fièvre, contre l'inflammation et contre la douleur, et anti-agrégant des plaquettes, les propriétés d'aspirine. Et quand on a découvert ça avec la reine des prés, et que les premiers industriels allemands ont voulu faire un médicament à partir de ces principes actifs, cet acide salicylique qui avait tellement d'amertume, et ces salicylates qui avaient tellement d'amertume, qu'ils se sont dit qu'il faut qu'on modifie la structure, ils ont rajouté un groupement acétyl à l'acide salicylique, ça a donné l'acide acétyl salicylique et l'aspirine. Et aspirine, l'étymologie, c'est A d'acétyl, et spirine qui vient de spiré, qui est le nom de cette reine des prés, le nom latin, spirea. Donc ces deux plantes-là donnent des dérivés fébrifuges, antidouleurs, à forte dose anti-inflammatoire, anti-rhumatismale. La reine des prés, c'est les inflorescences, les parties aériennes. Et le saule, c'est l'écorce de saule qu'on va utiliser. On pourrait prendre les feuilles, mais il y a plus de principes actifs dans l'écorce de saule, et là on fait une décoction. Et j'ai vu en Chine qu'il y a les mêmes usages avec le saule de Chine, et le saule de Chine, c'est en fait le saule pleureur, Salix babylonica. Et si vous allez sur la grande place à Pékin, eh bien, vous verrez autour du palais de très nombreux saules pleureurs qui sont plantés et qui est dans la pharmacopée chinoise. Tous les bords de rivière sont remplis de saules. Hein. Alors, la théorie des signatures, hein, qu'on retrouve de temps en temps, en disant que la plante signe son usage, les saules poussent les pieds dans l'eau. Si vous traînez toute la journée les pieds dans l'eau, le soir, vous allez avoir une crève. Donc, de la fièvre, etc. Donc, si l'arbre résiste les pieds dans l'eau, c'est bien qu'il a des substances qui lui permettent de se protéger contre la fièvre. Et voilà. Donc, le saule signe son usage. On est devant la vitrine de ce qui sert des plantes qui sont utilisées dans le traitement du cancer. Donc, il y a actuellement encore, on est autour de 40% donc des traitements qui comprennent des principes actifs d'origine végétale. Alors, quand on parle de principes actifs d'origine végétale, c'est des principes actifs d'origine végétale au sens large, c'est-à-dire des substances qui sont extraites, mais également des composés identiques à celui extrait mais reproduit par synthèse, mais également des composés, des analogues, des dérivés, dont le modèle pour le concevoir est le produit naturel. Mais même les produits naturels, même s'ils ont été sélectionnés pour leur activité par la nature, ont quelquefois, dans une utilisation humaine, quelques imperfections, des effets secondaires qui sont trop importants, des solubilités qui sont difficiles. Par exemple, quand on veut faire une administration par une voie intraveineuse, il faut une bonne solubilité dans l'eau, donc on peut modifier quelque peu ce principe naturel. Mais l'originalité est quand même sur le produit naturel. Après, on va essayer de copier, de tourner autour. Mais vous, Sylvie Michel, vous considérez que quand on a synthétisé vraiment une molécule même d'origine végétale, est-ce que c'est l'équivalent de la plante elle-même prise sous différentes formes ? Oui, tout à fait. La molécule est tout à fait identique. Qu'on ait une molécule extraite, donc sous une forme pure, ou que cette molécule soit obtenue par synthèse, la molécule est identique. Alors on peut voir des effets quelquefois différents, mais quand on utilise des extraits dans lesquels il y a des mélanges, parce qu'effectivement, dans un mélange, on peut avoir d'autres types de substances qui peuvent aider donc à l'activité de cette première substance. Mais les molécules, la molécule isolée ou la molécule synthétisée, si c'est la même molécule, les propriétés sont tout à fait identiques. Alors ensuite, il y a eu toute une tendance avec le développement de la bioinformatique, notamment d'aller chercher les substances actives, non pas une à une avec les savoirs traditionnels, mais plutôt de manière systématique et robotisée. Mais ça marche pas forcément bien comme technique. Ce qui marche quand même maintenant, parce que par exemple, même pour les substances antitumorales, le National Cancer Institute travaille comme ça, c'est aussi de s'inspirer de ce qui est fait en médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle va nous aider, quand même, plutôt que quelque chose de très très large, va nous aider à cibler donc certaines espèces qui sont reconnues pour leur activité. Alors après, on trouve pas forcément, quand on travaille après avec nos techniques modernes et avec donc le développement de la biologie et de la pharmacologie, on va pas trouver forcément exactement les mêmes effets, les mêmes activités que ce pourquoi cette plante était réputée. Mais on a quand même toutes les chances de trouver des plantes qui ont des activités. Alors après, c'est à nous de chercher quelle est l'activité, quelles sont les cibles biologiques de ces plantes. Mais on a quand même beaucoup plus de chances en s'appuyant sur la médecine traditionnelle. On a donc quelque chose déjà guidé. Il y a un premier tri, finalement, qui est fait par ces utilisations dans les médecines traditionnelles. Alors, on va passer maintenant de l'autre côté ici. Voilà, donc on est ici avec des solanacées. Vous avez la belladone qui est ici, avec des baies violettes très toxiques. Là, le datura. Voilà. Et puis la jusquiam, elle doit être peut-être de l'autre côté. Je ne la vois pas d'ici. Donc, ce sont des solanacées à principe avec de l'atropine. Donc, c'est des solanacées très toxiques. Plusieurs baies peuvent être mortelles chez l'enfant. Et on en sort des médicaments dérivés d'atropine. Donc, ça sert encore aujourd'hui en ophtalmologie pour dilater la pupille. Mais cette atropine et ces plantes-là, y compris le tabac que vous avez ici qui contient la nicotine, sont très utilisées dans tous les rituels sud-américains, comme plantes modificateurs de conscience hallucinogènes, à des doses bien maîtrisées. Les jus de tabac sont très très utilisés là-dessus. Et on utilise dans les Amériques le datura arborescent, le bergmansia, mais ces arbres qui font des fleurs avec des grandes, grandes cloches qui retombent, comme ça, des fleurs en cloche de 20, 30 cm, magnifiques, contiennent les mêmes principes actifs. Donc on l'utilise pratiquement plus en pharmacie, mais l'histoire nous dit que c'est des plantes qui étaient utilisées par les sorcières. Et en fait, les sorcières allaient dans des rituels, allaient au sabbat, faire des soirées un petit peu louches, et là-haut, elles consommaient effectivement ces plantes-là. Et pour se rendre au sabbat, elle prenait des extraits de belladone et de mandragore et de jusquiam, datura moins. Elles enduisaient le manche à balai et elles se faisaient une administration intravaginale. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les principes actifs passent extrêmement vite. Et si on dit qu'une sorcière s'envoie en l'air sur un manche à balai, on voit dans les représentations populaires, souvent, les sorcières sur un manche à balai voler dans les airs. Voilà, c'est l'interprétation de cette image de tradition populaire. Alors ici, on a un tabac qui est un petit peu spécial. C'est un tabac indicateur de pollution. Donc certains industriels sont spécialisés pour nous fabriquer des tabacs qui sont très sensibles aux pollutions soufrées, aux pollutions acides. Et beaucoup de villes plantent dans leur jardin ce type de tabac qui, bon, là, c'est les feuilles qui sont trop vieilles, hein. Mais quand il est en pleine croissance et qu'on observe les feuilles du haut, et si on a des taches dessus, c'est que c'est un marqueur de pollution. Alors le pavot, ben oui, mais c'est la saison est passée, donc il est là, normalement, il n'y a plus rien. Parce que c'est terminé. Hein, il... Alors le coca, on nous l'a piqué. C'était les pharmacopées traditionnelles, avec Sylvie Michel, membre de l'Académie de pharmacie, Rokia Sanogo, professeur en pharmacognosie à Bamako, Geneviève Bourdi, qui a co-signé Le corps de l'homme, l'esprit des plantes aux éditions IRD, Jacques Florentin, ethnopharmacologue, et Gilles Barou, auteur de La médecine de l'encyclopédie aux éditions du CNRS. Prise de son, Yann Fressy, Thomas Robin, Philippe Etienne, mixage, Alain Joubert, réalisation Anna Schmuck, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'herboristerie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, de la plante à la molécule, mais en attendant, restez à l'écoute.